Le rassemblement de remise du message de félicitations adressé par le dirigeant suprême Kim Jong-un, président du Parti du Travail de Corée, président du Comité des Affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée et commandant suprême de l'Armée populaire de Corée, aux membres de la section héroïne Kwo Gyeong-chan de la galerie 5 avril de la mine de Kumkol du complexe minier de Komdok qui ont accompli le plan annuel de l'économie nationale à l'occasion de la Journée du Soleil, a eu lieu le 23 courant sur place. Y ont pris part Kim Gi-nam, vice-président du comité central du Parti du Travail de Corée, les cadres intéressés et du complexe minier de Komdo, les membres de la section héroïne, leurs femmes et les mineurs. Kim Gi-nam a transmis le message de félicitations. Il y a eu les interventions. Les orateurs ont appelé tous les cadres et autres travailleurs à œuvrer plus dynamiquement pour accomplir les tâches de valeur de programme avancées par le dirigeant suprême Kim Jong-un dans son message de félicitations et manifester l'honneur de cavaliers et pionniers de maliement dans la marche générale en faveur de l'édification d'une puissance socialiste.